rendez-vous d'automne. Coup de téléphone, dîner aux chandelles, sur la tour Eiffel. Cher beau matin, main dans la main, les romans d'amour, j'y croirai toujours. J'y croirai toujours, éternellement amoureuse comme la première fois. Éternellement amoureuse de ces moments-là. Viens dans ma maison, dans mes violons, et tu me reconnaîtras. Éternellement amoureuse, on ne se refait pas. Faire chanter passionnément, femme, tant pis pour les larmes, des chagrins d'amour, j'en aurai toujours, j'en aurai toujours, comme la première fois. Moment.